Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la Coupe du Monde en Argentine avec notre invité Paul Dietschy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes dans les studios de France Bleu Besançon. Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes agrégé d'histoire, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Franche-Comté, d'où votre présence à Besançon. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. Je cite « Histoire du football » et « Histoire politique des Coupes du Monde » avec Yvan Gastaud et Stéphane Mourlane. Bien, alors nous l'avons vu dans le récit, la désignation de l'Argentine pour organiser la Coupe du Monde de 1978 a été actée en 1966, quelques jours après un coup d'État. Comment a réagi la FIFA en 76, apprenant un nouveau coup d'État? A-t-elle été, ne serait-ce qu'un peu gênée aux entournures, ou pas du tout? Alors, si on consulte les archives de la FIFA, on s'aperçoit que la FIFA est plutôt soulagée. Parce que... Alors, pour quelle raison? C'est que l'instabilité politique en Argentine, ce que les dirigeants ou certains dirigeants de la FIFA identifient comme le danger du terrorisme, ils ont qu'une peur, c'est qu'il y ait des enlèvements de joueurs, un comité d'organisation locale qui change chaque année pratiquement de président, une valse des dirigeants. Donc c'est quelque chose qui les inquiète beaucoup, et pour eux finalement, avoir un pouvoir fort, c'est la garantie d'avoir une organisation solide. Alors c'est comme ça, c'est certainement un raisonnement cynique. Mais c'est le leur. Dire, oui. On pourra ajouter aussi que certains de ces dirigeants, Joe Avalanche par exemple, a été le président de la Confédération brésilienne de football dans les années 60 et au début des années 70, donc entretenait de très bons rapports avec le régime dictatorial brésilien. Et puis, par exemple, Neuberger, qui était le président du comité d'organisation FIFA, hein, pas local, mais FIFA, était un Allemand assez conservateur, bon, très marqué par, évidemment, le terrorisme de la fraction Armée Rouge, et lui aussi voyait plutôt d'un bon œil un régime anticommuniste. Bon, nous l'avons vu, le budget mis en place pour cette Coupe du Monde est astronomique, notamment les dépenses autour de la com cette année-là. On l'avait pas dit dans le récit, je me permets donc de l'ajouter. Coca verse 8 millions de dollars pour devenir le sponsor officiel. C'est la première fois en Argentine que l'organisation de la compétition se professionnalise, comme ça s'internationalise. On passe un nouveau cap dans la mondialisation du football et les affaires. Oui, c'est assez clair. La Coupe du Monde Argentine, on focalise souvent l'attention, et avec raison, sur la question politique et les droits de l'homme. Mais c'est certainement une Coupe du Monde pivot, dans le sens où il y a de très nombreux intérêts qui se coalisent pour faire des profits en Argentine. Alors, bon, Coca-Cola, ça intervient juste après la signature d'un accord entre la Coca-Cola et la FIFA. Et en quelque sorte, Coca va apprendre le marketing aux dirigeants de la FIFA. Bon, on rencontre cette même évolution un peu plus tard au CIO, par exemple. Il y a aussi l'importance d'Adidas. Et puis, il y a aussi l'importance du rôle de firmes multinationales, notamment allemandes, qui vont faire de gros profits. Hein. Siemens, par exemple, va aider les télés argentines à passer du noir et blanc à la couleur. Bosch va monter un centre de traitement des images, etc., etc., etc. Donc, c'est sans doute vraiment la première Coupe du Monde où une Coupe du Monde peut être une bonne affaire, pas évidemment pour le pays, mais en tout cas pour les grandes entreprises qui sont soit partenaires, soit qui sont des fournisseurs de services et de biens d'équipement. Alors, je reviens sur la question politique déjà, parce que c'est entré dans les mœurs du football et de la FIFA très très vite. On s'en était aperçu avec la Coupe du Monde en 1934 sur les terres italiennes. Hein. L'Italie est gouvernée par un pouvoir fasciste, donc brutal, celui de Mussolini, et apparemment ça se passe très bien avec la FIFA là encore. Oui, alors, disons que là il faut un petit peu nuancer parce que... Mmh. Le président de la FIFA à l'époque est Jules Rimet, un Français qui est plutôt démocrate chrétien, qui est très attaché aux questions démocratiques. La seule chose, c'est que les dirigeants de la FIFA sont très sensibles aux marques d'estime, à l'aide que peuvent apporter un certain nombre d'États. Hein, et donc, lorsqu'ils sont accueillis, lorsqu'ils sont traités au rang auquel ils aspirent, ils en sont très heureux. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en juin 1934, le Mussolini de juin 1934, ce n'est pas le Mussolini de 1938. C'est celui qui, aux yeux des démocraties, peut encore s'opposer à Hitler, et il va le faire à l'été. Donc, vous voyez, les choses sont un petit peu plus complexe. Et puis, par ailleurs, si on reprend Jules Rimet et ses mémoires, Rimet aime faire un distinguo très net entre ce qui est du sportif et ce qui est du politique. Alors, il dit, par exemple, que le général Vaccaro, qui était le président fasciste de la Fédération italienne, eh bien, son aspect politique n'intéressait pas la FIFA, mais sa personnalité sportive appartenait, évidemment, au monde de la FIFA et du football. Mais enfin, il est quand même démenti 4 ans plus tard, puisque 4 ans plus tard, il y a une Coupe du Monde en France, que l'Italie remporte aussi. Et là, c'est vraiment l'équipe de l'Italie fasciste qui arrive. Oui, tout à fait. Il est clair que celle de 34 également se plie aux rituels, mais qui sont des rituels assez généraux dans la société italienne, hein, lever le bras. Mais il est certain qu'en juin 38, les relations sont beaucoup plus tendues entre la France et l'Italie, et que la victoire, dans un environnement qui apparaît dans certaines villes hostiles, est considérée comme une victoire de l'Italie fasciste sur les terres d'une démocratie décadente. Et ça se voit lorsque Giuseppe Meazza, le célèbre Meazza, reçoit la coupe du président Lebrun, le gratifie Lebrun d'un salut fasciste. Donc là, évidemment, l'aspect politique est beaucoup plus présent. Il est clair que c'est une victoire politique, cette victoire-là. La FIFA ou l'UEFA ont-elles déjà annulé ou refusé une compétition pour raisons politiques? Apparemment non, vous confirmez? Non, de ce point de vue-là, non, jamais. Hein. Même dans les années 90, lorsqu'au Nigeria on a pendu des opposants, Avalanche, eh bien, ne s'est pas opposé à l'organisation d'un mondial de jeunes. Donc, de ce point de vue-là, disons que là aussi, il faut nuancer, mais la FIFA, en général, a toujours voulu distinguer officiellement le politique du sportif. Ce qui fait que dans les années 30, par exemple, il n'aurait eu qu'un vœu, c'est d'accueillir l'URSS, par exemple. Par ailleurs, c'est toujours les règlements sportifs qui ont été appliqués lorsqu'il y a eu des questions de transfuges, de réfugiés, par exemple, pour les Hongrois en 1956. Ceci dit, à partir des années 60, il y a quand même une petite inflexion. Hein, c'est que dans les statuts est introduite une clause contre la discrimination religieuse et raciale, ce qui fait qu'en 76, la Fédération sud-africaine est exclu définitivement pour apartheid. Et puis, la Coupe du Monde qui a été organisée en 2010, officiellement, bon, on doit rendre grâce hein, à Mandela, à ce combat pour l'égalité. Et quelqu'un comme Avalanche, par exemple, en même temps, il est évidemment un soutien de Videla, clairement. Mais en même temps, c'est le porte-parole du tiers-monde. C'est lui qui ouvre les portes des Coupes du Monde aux fédérations asiatiques, aux fédérations africaines. Donc vous voyez, les choses sont parfois un petit peu plus complexes. Et bien sûr. Alors, complexe aussi la campagne de boycott initiée en France et qui a fait tache d'huile dans plusieurs pays. Alors à la question, est-ce un succès ou un échec? Évidemment, dans la mesure où la Coupe du Monde s'est déroulée et que tout le monde y est allé, c'est un échec. Mais est-ce que c'est pas un succès non plus dans la trace que ça a laissé sur les consciences et sur la capacité des citoyens à dire, ok, il y a du sport, c'est un grand événement mondial, mais il y a aussi l'éthique. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui a quand même un petit peu terni la participation de l'équipe de France, même si ceux qui sont à la tête du COBA ne sont pas représentatifs de l'immense majorité de l'opinion publique. Il y a un professeur d'éducation physique, Jean-Marie Brome, qui est très minoritaire dans cette profession et qui communique dans une sorte de fraudo-marxisme. Il y a l'extrême gauche, hein, la fin de la comète de mai 68. Donc, ils ne sont pas représentatifs, évidemment, de l'état de l'opinion publique. Mais quand même, hein, et le reportage images que vous avez diffusées ou les reportages que vous avez diffusés le montrent bien, c'est que cette question intervient de manière récurrente, les footballeurs sont questionnés, et surtout je crois que la Coupe du Monde a mis en lumière évidemment cette répression épouvantable qui a lieu en Argentine, et peut-être que si l'Argentine n'avait pas été désignée pour organiser cette Coupe du Monde, eh bien cette lumière n'aurait pas été aussi intense évidemment sur les méfaits de la junte de Videla. C'est vrai, on peut le voir aussi comme ça. Alors, au sein de l'équipe de France également, il y a eu un débat. Alors, chez les footballeurs, il y a des gens qui pensent à droite, il y a des gens qui pensent à gauche, il y a des gens qui pensent à rien. Dominique Rocheteau, lui, fait partie de ceux qui pensent sur la société, et il en parle. Alors, plus tard, le 11 juin 2014, sur France Culture. 78, moi, je reçois, du fait de mes déclarations, de mon engagement un peu politique, j'ai reçu beaucoup de lettres, quoi, d'informations pour boycotter. Bon, il est hors de question de boycotter cette Coupe du Monde. On part sur un plan sportif pour l'équipe de France. Ça fait très longtemps que l'équipe de France n'a pas été en Coupe du Monde. On va aller dans un pays de football, en Argentine. Et donc, moi, je m'étais dit, moi et puis d'autres, j'étais pas le seul, qu'on pourrait peut-être sur place parler de ce qui se passe, dire. On parlait à travers les médias. Donc, il y a une rencontre avec Bernard-Henri Lévy qui est venu en Argentine, on rencontre à l'ambassade de France. Il nous propose de venir dans notre centre d'entraînement pour parler avec nous. Donc, organisation de petite réunion. Tous les joueurs viennent pas, il y a quelques joueurs qui viennent. Hidalgo est là. Mais en fait, Ça prend pas. Et puis nous, on se dit, on essaiera au fur et à mesure de la Coupe du Monde, lors des matchs, de dire un peu de... Que vous dénonciez dénoncer, c'est un grand mot. Il y a eu le brassard noir, vous avez tenté, vous avez suggéré collègues sur le terrain de porter un brassard noir. Mais je ne veux pas me désolidariser des autres, ils ne savaient pas ce qui se passait exactement. Mais par manque de curiosité absence de conscience politique? Absence de conscience politique aussi, sûrement. Donc voilà, c'est très vite... étouffé. Voilà, au sein de l'équipe de France, le choix de ne rien dire, de ne rien faire a finalement primé. Est-ce que cette question de boycotter, de faire un geste, a été posée dans d'autres équipes? Je crois que trois joueurs brésiliens, et puis des joueurs suédois également, ont tenté de rencontrer les femmes de la place de Mai. Est-ce qu'il y a eu des consciences politiques ailleurs? Il y a eu quelques joueurs brésiliens, dont Paulo César, qui avait joué à l'Olympique de Marseille, qui ont manifesté justement leur solidarité avec les victimes de la répression. Les joueurs suédois, venant évidemment de la social-démocratie suédoise, c'était logique. Il y a aussi quelques joueurs allemands, Paul Breitner, qui avait la réputation d'être maoïste, une réputation extrêmement surfaite, mais qui s'est également manifesté. C'est ça. Pour les Hollandais, il y a une légende qui court disant que Johan Cruyff aurait refusé d'aller en Argentine pour protester. Les choses sont un peu plus complexes et à la fois... C'est un problème personnel. Voilà, avec son épouse. Oui, exactement. Oui. Donc, il faut évidemment relativiser. Mais pour en revenir, si on peut revenir rapidement à Rocheteau, je trouve que c'était un geste extrêmement courageux de sa part, parce qu'il était très jeune, il était à l'aube de sa carrière. Et puis, en même temps, son aura d'ange vert, comme on l'appelait, lui permettait aussi de dire des choses que ses camarades, finalement, sans doute plus par indifférence que par conscience politique, n'ont pas voulu affirmer. En Argentine, derrière les matchs et l'euphorie des supporters, la situation est très tendue, notamment pour les journalistes. Est-ce qu'il y a eu des incidents avec eux, des menaces contre les reporters et journalistes? Alors, disons que il y avait une telle présence policière, il y a le régime d'accréditation de la FIFA, dès en amont, et ça on le retrouve dans certaines archives, notamment de la FIFA, il y a le comité d'organisation argentin tente de faire venir des journalistes pour montrer que tout va bien, l'ordre règne à Buenos Aires. Donc de ce point de vue-là, certainement ces journalistes ont pu se sentir suivis, surveillés, donc les choses n'étaient pas faciles, de même que finalement les joueurs qui disputaient des matchs contre l'équipe d'Argentine sentaient quand même une pression extrêmement forte sur eux, à la fois du public, mais aussi lorsque vous avez un environnement très policier, il n'est pas facile de montrer finalement une liberté de parole. On se souvient aussi des ambiances, au-delà de ça d'ailleurs, extraordinaires dans les stades argentins, ces milliers de petits papiers que les supporters envoyaient sur la pelouse, c'était très impressionnant. Alors durant la compétition, un autre dossier a également été soulevé par les partisans du boycott, celui de l'antisémitisme réel ou supposé de l'État argentin à l'époque. Qu'en était-il ? Alors, c'est vrai que Buenos Aires est une des capitales du monde où la communauté juive est la plus importante, hein, avec, c'est comparable, des villes comme Tel Aviv, Paris, Brooklyn. Oui, il y a un antisémitisme qui est lié aussi au fait qu'une partie des jeunes de cette communauté participent à la résistance contre l'État argentin. Et puis, il y a aussi la prégnance, l'importance, évidemment, des nazis, hein, qui sont venus se réfugier en Argentine. Et en 1976, on est seulement... 1978, on est seulement 23 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, bien évidemment, c'est quelque chose qui est assez fort, hein, et que qui est relativement prégnante dans ces années-là. On a l'impression quand même que dès Videla, et on verra ça avec Galtieri 4 ans plus tard lors de la guerre des Malouines, on a l'impression qu'ils ont quand même conscience, ces militaires de la junte, que leur pouvoir est fragile. Alors ils cherchent des chemins de traverse, comme la guerre des Malouines qui était là pour le coup suicidaire. Mais la Coupe du Monde semble entrer dans cette logique-là. L'organisation de la Coupe du Monde à la fois pour détourner le regard ou pour tourner le regard vers une situation qui n'est pas la vraie situation. C'est un outil, mais ça rien changé finalement. Absolument. D'ailleurs, il y a les travaux de jeunes historiens argentins qui essaient de travailler sur cette mémoire, hein, de la Coupe du Monde, et ils montrent que finalement il y a eu une sorte d'unanimité, hein, dans une grande partie de la population argentine sur la victoire. Beaucoup de gens étaient heureux. Mais pourquoi ils étaient heureux? Sans doute parce que les matchs, les soirs des matchs où jouait l'Argentine, c'était un des rares moments de liberté. On pouvait s'exprimer, on pouvait danser, on pouvait sortir dans la rue sans être surveillé. Donc on est là dans ce domaine d'une finalement d'une émotion très éphémère qui est celle du sport, et on a vu ce qu'il en a été par exemple en 1998 en France, si on peut comparer les deux cas. Ce qui fait que la Coupe du Monde a offert un petit moment de distraction, un petit moment de bonheur, mais n'a en aucun cas permis de raffermir le régime. Et la meilleure preuve, évidemment, c'est 4 ans plus tard, les Malouines, qui est une sorte de fuite en avant des généraux, hein, qui se termine en 1983, évidemment, par le début, hein, de la transition et le retour à la démocratie. Dernière question, Paul Dietschy. Il y a une menace, évidemment, la menace des attentats en France. Pour l'instant, tout se passe bien et souhaitons évidemment que tout se passe bien jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a eu d'autres Coupes du Monde sous pression comme ça de menaces terroristes, d'attentats? Oui, alors il y en a une évidemment en 1974, hein, parce que c'est en Allemagne, 2 ans après Munich. Oui. Et là, la Coupe du Monde est en véritable état de siège. L'équipe du Chili, qui représente encore une dictature criminelle, qui s'est qualifiée par forfait de l'URSS, eh bien, est suivie par des troupes, par des militaires, des policiers. Donc là, c'est une Coupe du Monde qui est véritablement sous tension à cause de la fraction armée rouge, mais aussi du terrorisme palestinien. On peut dire aussi qu'il y a le championnat d'Europe en Italie en 1980, hein, qui se déroule un peu dans ces conditions. Mais oui, là, on est un peu long. Dans la configuration actuelle, ouais, puisque long. Ce sont les hooligans qui s'illustrent. Bien, merci infiniment Paul Dietschy pour tous vos éclairages. Je rappelle le titre du livre que je conseille à nos auditeurs de lire, Histoire politique des Coupes du Monde. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la Coupe du Monde en Argentine, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons le livre Mein Kampf, tombé dans le domaine public en janvier de cette année.